Écrire se dit escribir. Pensez aux scribes, ceux qui, dans l'Antiquité, étaient chargés d'écrire. Donc, écrire, c'est escribir. Comment direz-vous « j'écris » ? Escribo. Escribo. Et si vous voulez dire « j'écris tous les jours, c'est « todos los días ». Donc, « j'écris tous les jours ». Escribo todas las días. Día est un mot masculin. On l'avait vu dans Buenos días. Bonjour. Buenos días. Donc, tous les jours, ce n'est pas todas las días, mais todos. Todos. Todos los días. C'est ça. Todos los días. Escribo todos los días.